Ce monde est cruel, j'ai pas trouvé d'autre conclusion. Ça brille au fond du tunnel, j'espère que ce n'est pas une illusion. Je les vois changer pour de l'oseille, devenir de sombres trucs. Oseille, oseille, oseille, en voilà un sombre but. En manque de tout, c'est clair, je me moque de toutes ces règles. En manque de tout, c'est clair, je me moque de toutes ces règles. La voix de la foule s'élève, j'empoche un bout des aimes. Mais ça me rend seul, c'est vrai, bientôt la coupe est pleine. Je pense aux milliardaires qui bloquent le jeu, c'est pas fair play. Plus que pas fair play, c'est un truc de fils de pute. Ce monde est cruel, fais ton argent, ferme ta gueule. Parle-nous du BNF, même si les mots n'ont pas de valeur. Ce monde est si cruel, c'est sûr que ces gens viennent d'ailleurs. Je rêve de leur planète, la main sur le fusil mitrailleur. Je les vois, les autres qui rient, je me demande s'ils ont compris. La fin du monde est proche, et moi, je suis tellement loin de mes proches. Y'a tellement de choses qui clochent, le dire c'est bien, rien faire c'est moche. L'enfer tient dans mes poches, l'enfer s'invite dans mes loges. Ce monde est cruel, comme le projet MK Ultra. Plus secret qu'un agent secret, un agent qui ne le sait pas. Ce monde m'assure la tête de manière abusive. Je suis seul sur la terre, les autres sont à l'usine. Ce monde est cruel, fais ton argent, ferme ta gueule. Parle-nous du BNF, même si les mots n'ont pas de valeur. Ce monde est si cruel, c'est sûr que ces gens viennent d'ailleurs. Je rêve de leur planète, la main sur le fusil mitrailleur.